comment devenir un bon coup. Après mes différents conseils pour t'apprendre la confiance sexuelle, je vais maintenant te révéler le secret pour devenir un bon coup. Et oui, chez les femmes aussi, il y a des bons et des mauvais coups. Ce qui est vraiment dommage, car c'est tellement facile d'être une bombe. En effet, cette appellation de qualité est bien plus aisée à obtenir pour une femme que pour un homme, car il suffit de prendre son pied sans retenue, sans se soucier de la performance. C'est simple comme bonjour. Plus tu te lâches, plus il aimera faire l'amour avec toi. Ne fais pas cette tête. Moi aussi, j'ai lu les statistiques qui disent qu'une femme a un orgasme tous les deux rapports. Personnellement, j'ai toujours détesté rentrer dans les cases. C'est peut-être pour ça que j'ai dû redire 3 fois cette affirmation tellement cela me semblait improbable. Malheureusement, il s'agit de la triste réalité. Cependant, ce n'est pas une raison de te contenter de cette pitoyable moyenne. Puisqu'il est totalement possible, même avec un partenaire de jeu moyen, d'atteindre de délicieux sommets. Pour la simple raison qu'il est question de prendre du plaisir au lieu d'attendre bêtement de le recevoir. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Tout est une question d'état d'esprit. C'est toi et personne d'autre qui te donne accès au Saint Graal. Il est vrai que quelquefois le mec est tellement sans intérêt que la plus qualifiée d'entre nous piquerait un roupillon. Mais ceci est un autre sujet. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre chaton, qu'il suffit de faire miauler plusieurs fois d'affilée pour décrocher la désignation. Gros challenge! Mais non, bientôt ton quotidien. Enfin, je l'espère pour toi. Alors reprenons les bases. Pour avoir une sexualité épanouie, il faut être bien dans sa peau. Pour être bien dans sa peau, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut se débarrasser de ses complexes. Tu me suis jusque-là. Alors je continue. Pour aller bien plus loin et devenir un bon coup, il faut t'assumer totalement. Non seulement en tant que femme, mais surtout comme une productrice d'orgasmes plus sensationnels les uns que les autres. Pour ce faire, il faut éjecter ton patrimoine d'idées fausses, genre le sexe, c'est mal. L'erreur vient certainement du fait que l'on appelle notre outillage le système reproducteur. Alors qu'en réalité, tu auras beaucoup d'orgasmes et peu ou pas de bébés. Surtout n'interprète pas mal mes propos. Je trouve que c'est très beau d'avoir la chance de pouvoir donner la vie. Néanmoins, c'est réducteur de considérer cet appareil uniquement comme une matrice. Et si Dieu a inventé le plaisir, ce n'est pas par accident. C'est pourquoi je vais t'inciter à exprimer tes préférences et surtout, n'aie pas honte de ton appétit vorace. Ce n'est pas parce qu'il est mono-orgasmique que tu dois te montrer solidaire. Alors n'oublie pas que 1 orgasme c'est bien, 3 c'est mieux. Pour y parvenir et obtenir l'appellation bon coup, il suffit d'être égoïste. Les hommes le sont naturellement, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Je te conseille de commencer ta nouvelle sexualité sans attendre. Comme il y a besoin de s'entraîner pour progresser, n'hésite pas à te faire la main toute seule. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode